إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue inchallah les explications des 40 nawawiyya, des 40 nawawiyya. Et on avait donc vu dans le détail le premier pilier de l'islam. Cette fois-ci, on voit dans le détail le deuxième pilier de l'islam, la salate. On avait vu la description de la salate, on avait vu les obligations, les piliers de la prière. D'accord ? On avait vu la description aussi, oui. Et on avait terminé la dernière fois sur les actes détestables lors de la prière. Je vais faire un petit rappel, Inch'Allah. Pour les frères, Inch'Allah. Et le frère, comment ? Haroun. Moi, c'est Kalima. Donc, sur les actes détestables de la prière, Inch'Allah, on avait vu 4 points : bouger la tête ou tourner, détourner son regard. Ouais. Lever les yeux vers le ciel. Ça aussi, ça, c'est détestable. S'amuser, faire des gestes inutiles. Porter des choses qui déconcentrent. D'accord ? Donc, Allah al-Musta'an. Donc, on avait vu s'amuser, faire des gestes inutiles. Porter des choses qui déconcentrent, qui attirent le regard, comme un objet lourd et coloré. Poser les mains sur les hanches. Tout ça, c'est détestable. Tout ça, c'est détestable. Quant à ce qui annule la prière, eh bien, c'est la parole prononcée délibérément, même si elle est infime. D'accord ? C'est-à-dire que, par exemple, on avait dit que si une personne, elle se rappelle d'un truc qui l'a fait rire pendant la salette, et elle se met à faire les deux sons comme ça, ça invalide la prière. D'accord. Comme ça, deux sons comme ça, ça invalide la prière. Bah, si quelqu'un porte un téléphone, il a mis son rire, et après on ne croit pas que ce qui est ici. Et après, il va le dire. Comment ça ? Non, il faut pas mettre. De toute façon, c'est haram de mettre déjà les sonneries, alors qu'on est type de la musique. Hein. Si t'as une sonnerie simple, hein. Ça non, ce que t'as choisi. Mais t'as les sonneries où est-ce qu'ils mettent de la musique ? Tu le mets sur vibreur ou sur silencieux ? Subhanallah. Et donc, ce qu'il y a, barakallahu fikum, il y a aussi le fait, hein, d'avoir une odeur détestable. Fils. D'accord, Anas, barim shirati, Ashuldi. Donc, le fait d'avoir de l'oignon et de l'ail, manger de l'oignon et de l'ail. Il y a une secte qui s'appelle les Ahbesh, qui se trouve du côté de l'ouest de la France, à Marseille et en a sur Paris. C'est des extrêmes soufis. Ce sont des gens, vous les reconnaîtrez facilement, ils ont des dépliants dans lesquels c'est écrit « Il est strictement interdit de demander où est Allah ». Lorsque vous lisez ça, vous savez que il fait partie des Ahbesh, cette secte-là. Ils croient que leur chir vole dans les airs, etc. Ils viennent avec des trucs. Et les gens, c'est comme Jama'at Tablir. Tu leur dis des choses. Masha'Allah, Subhanallah. Subhanallah. Yani, son chir, il vole dans les ailes. Il vole dans les airs. Et il est interdit de dire où est Allah, alors que le hadith, il est dans Sahih Muslim. Sahih Muslim. Subhanallah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait questionné cet esclave. Cheikh l'Alban, rahimallah, il disait... Aujourd'hui, l'esclave, cette femme-là, esclave, est plus savante que certains musulmans d'aujourd'hui. Subhanallah. Parce que lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit lui a posé la question, où est Allah, Aïn Allah, ça écrit comme ça, Sahih Muslim. Elle lui a répondu, fils Sama, au-dessus des cieux. Donc, ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a posé cette question-là. Subhanallah. Laquelle, vous reconnaîtrez donc cette secte-là, à chaque fois elle écrit dans ses dépliants, strictement interdit de dire, donc de demander. Eh bien, ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent délibérément de l'oignon cru pour avoir une odeur répugnante, pour avoir une soi-disant excuse de ne pas venir prier en groupe. D'accord? Parce qu'ils refusent de prier en groupe avec les... Donc, avoir les mauvaises odeurs, il faut aussi les éviter, cela. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna al-malaika tata'adha bima yata'adha bani Adam » Les anges sont... ce qui nuit les anges, les anges sont... sont nuits par ceux qui nuient le fils par ceux qui nuient le fils d'Adam. Donc il y en a, ils viennent avec des odeurs de cigarettes, ils viennent avec des mauvaises odeurs, etc. Donc ça nuit celui qui prie. Et bien si ça nuit celui qui prie, ça nuit également les anges, d'accord, qui sont également présents. Donc ce qui annule la prière, la parole prononcée délibérément même si elle est infime, le fait de dévier tout son corps de la Qibla, les flatulences, le fait d'avoir des gaz, tout ce qui nécessite l'ablution ou l'ablution majeure. Voilà, bah alors c'est pas, là c'est pas la condition de la flatulence elle-même. C'est-à-dire si quelqu'un sait qu'il a lâché un gaz, ça y est, il sort. S'il sait, il est convaincu. Et en fait, c'est la certitude. Parce que tout acte d'adoration est basé sur la certitude. Si tu es certain que tu as lâché un gaz, ça y est, tu sors. Si tu as un doute, là, tu appliques le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, si tu as un doute, soit tu sens une odeur, ou soit tu as entendu un bruit. Si l'un des deux, alors tu sors. Ça, c'est dans le cas du doute. Pour ne pas laisser de place au doute dans ta salette. Voilà. Et quand tu sais, tu vois, que tu es persuadé, ça y est, tu sors. Tu quittes la salette. D'accord ? Les mouvements nombreux et consécutifs qui ne sont pas indispensables. Si tu fais trop de mouvements, tout ça, ça annule la salette. L'éclat de rire, même infime. Rajouter une inclinaison, une prosternation, une station debout ou assise, délibérément. Et précéder l'imam, délibérément. D'accord ? Donc ça, on s'était arrêté sur ça. Donc aujourd'hui, on va faire les questions-réponses. Parce que moi, il a bien ce mal d'ars. Question-réponse, donc ça a été compilé par notre frère Abdelrahman Kolo. Qu'Allah le récompense pour tous ses efforts dans la da'wa. Donc ce sont les questions-réponses qui ont été posées au Cheikh Mohammed Ben Salah Al-Othaymin, rahimahullah. La question, hein, ça c'est pour les questions-réponses autour des prosternations de la distraction. Donc lorsqu'on oublie un pilier ou on oublie une obligation, on se rappelle la différence c'est quoi? Quelle est la différence entre oublier un pilier de la prière ou une obligation de la prière? Pilier à refaire, obligation pas à refaire. On n'est pas obligé de refaire l'obligation, tandis que le pilier, on est obligé de le refaire. D'accord? Si on oublie une raka'a, ou on oublie de réciter la fatiha. L'exemple que je donnais, c'est quelqu'un qui a oublié de réciter la fatiha. Il est enchaîné directement par une sourate. Ça peut arriver, il a oublié. Il s'en rend compte lorsqu'il était, dans la prosternation ou lorsqu'il était dans l'inclinaison, il s'est rappelé qu'il n'a pas récité la fatiha. Il se relève directement. Et il refait la raka'a. Et lorsqu'il l'a refait, eh bien, il rajoute à la fin de la prière, une fois qu'il a fait le taslim, il rajoute deux prosternations d'oubli, d'accord, de distraction. Ça veut dire, s'il a oublié de faire ça, il refait comme ça. Donc, question-réponse autour des prosternations de la distraction de Cheikh Mohammed Ben Salah Al-Othaymin. Donc, la question 1. Donc, l'obligation maintenant, le premier tashahhud, on se rappelle que c'est une obligation de la prière. Le premier tashahhud. Donc, si quelqu'un l'a oublié, il s'est relevé à la troisième raka'a, il s'est rappelé pendant qu'il était en station debout qu'il a oublié de faire le tashahhud. Il ne se rassied pas, mais il continue la salat. Et avant de faire le taslim, il fait deux prosternations d'oubli. Donc, si on a oublié une obligation, on fait deux prosternations avant le teslim. D'accord. Question 1. Quelle est la définition des prosternations de la distraction ? Quelle importance revêt-elle dans la religion et quelles sont les causes qui les provoquent ? Donc la réponse du Shir, c'est il s'agit de deux prosternations qui ont pour but de corriger les distractions, c'est-à-dire les oublis ou les rajouts. Il s'agit donc de deux prosternations qui ont pour but de corriger les distractions qui ont eu lieu pendant la prière. Il en va de la validité de la prière même, d'où leur importance. Parce que si quelqu'un l'oublie, la prière devient invalide et il doit recommencer la prière. D'accord ? Donc, elle s'effectue soit avant ou soit après les salutations finales. Et ça dépend de les causes qui les motivent. D'accord ? Donc là, on ne parle pas du cas qui est fait délibérément. C'est-à-dire quelqu'un rajoute une raka'a délibérément. Délibérément. Il sait que, voilà, il rajoute une raka'a, la salat est invalide. D'accord ? On parle d'un rajout qui est fait que l'individu a été sous un doute, il ne sait plus est-ce qu'il en a fait 3 ou est-ce qu'il en a fait 4. Non. Voilà, donc Allah nous a. Tu sais plus, tu dis, je fais une, deux, peut-être trois prosternations, je sais même. C'est pour ça que. Ouais, donc ce qu'il y a, c'est qu'à la base, tu vas avec le moindre. D'accord ? Tu vas tout le temps avec le moindre. C'est-à-dire, si par exemple tu sais plus si tu en as fait deux ou en as fait trois, tu te dis, bon, bah, alors j'en ai fait deux. Tu continues. Donc tu rajoutes donc ce que tu as rajouté et ensuite tu feras deux prosternations après le teslim. D'accord ? Ça c'est pour un rajout qui est dû à un doute. Pour résumer, si tu as un oubli, d'accord ? Si tu as un oubli, eh bien tu le fais avant les salutations. Si tu as un oubli, tu les fais avant. Si tu as un rajout, tu les fais après. Mais ça, c'est pour résumer. Mais après, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des cas qui sont assez spécifiques. D'accord ? Parce que si tu as un oubli, par exemple, tu as oublié ce que tu as. Comme on va le voir, tu as oublié un pilier ou bien tu as oublié. Ou tu as diminué quelque chose. D'accord ? Soit tu as rajouté, soit tu as diminué, soit tu as un doute. Donc, c'est ce qu'on va voir, Inch'Allah, dans le détail avec les questions. Quand tu fais après le teslim, tu refais le teslim après ? Ou pas ? Oui. D'accord. C'est-à-dire, dès qu'on dit deux prosternations, par exemple, si tu as rajouté une raka, ou tu as rajouté un pilier, d'accord ? Eh bien, lorsqu'on dit deux prosternations après le teslim, donc tu fais le teslim, tu fais deux prosternations, et tu ne fais pas de teshahud, d'accord ? Et tu fais le teslim directement après les deux prosternations, d'accord ? Kamal, Tanas ? Oui. Raja'al Qamis Ntaraj. Les trois causes sont au nombre de trois. Soit un ajout, soit une diminution, soit un doute. Question 2. Quels sont les différents cas de figure envisageables concernant celui qui ajouterait quelque chose dans la prière ? Donc là, c'est dans le cas où est-ce que quelqu'un il ajoute quelque chose, la question. Là, il dit le shir, Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Avant toute chose, l'ajout, il est de deux sortes. Soit il est volontaire, soit il est involontaire. D'accord ? Soit il est volontaire, soit il est involontaire. Concernant l'ajout qui est volontaire, il invalide la prière. Ça veut dire quoi, il invalide la prière ? Il doit la recommencer. D'accord ? Quant à l'ajout involontaire, les répercussions seront différentes selon le moment où la personne prend conscience de cet ajout. Ça dépend quand est-ce que tu en as pris conscience. Trois cas sont possibles, il dit. Si la personne se rend compte de son ajout pendant qu'elle effectue ce dernier, elle le délaisse dès lors. À peine que tu es en train d'effectuer un ajout, tu t'en es pas rendu compte que c'est un ajout. Mais au moment que tu es en train de le faire, tu t'en rends compte que tu as rajouté ça. D'accord ? Alors tu le délaisses et tu reviens à la position qui précède cet ajout-là. Par exemple. Tu étais en train de faire ta salette, tu as fait 4 rak'at. D'accord ? Tu te relèves. Et tu commences à faire une cinquième raka. Et pendant que tu es en train de faire cette cinquième là, tu te rends compte que tu as rajouté une raka. Donc tu redescends directement. D'accord ? Tu redescends donc à la position où est-ce que tu es. Termine sa prière et effectue les prosternations de distraction, puis salue de nouveau. Donc termine sa prière, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu fais le taslim. Donc ça veut dire que tu vois, tu t'es relevé en pensant, tu avais complètement oublié que tu as fait 4 rakat. Tu t'es relevé, tu commences à faire la 5. Tu viens, pendant que tu commences en train de la faire, pendant que tu es en train de la faire, tu te rappelles que tu as fait celle-là, ça fait la 5e. Tu redescends dans la position que tu étais. Puis tu fais le taslim. Tu fais 2 prosternations et tu refais le taslim. D'accord ? Bah si, on est tout seul, on est en train de prier tout seul à la maison, mais on a raté la salade. Et après, on ne se souvient plus où on était, à quelle araka. Eh bien, tu fais tout le temps que tu en as fait moins. D'accord ? C'est-à-dire que si tu as une rakat comme le morb de 3, que tu as fait la première, la deuxième, tu sais plus si tu en as fait 3 ou la 2, eh bien, tu comptes que tu en as fait que 2. D'accord ? Dans ma tête. Dans ta tête, ouais. Et tu refais une troisième, d'accord ? Et après, j'expliquerai Inch'Allah à la maison, ça, Inch'Allah. Donc, ça, c'est le cas où est-ce que la personne elle s'est rendue compte pendant l'ajout. Si la personne ne prend conscience de son ajout qu'après avoir effectué ce dernier, alors elle termine sa prière, procède aux prosternations de la distraction après les salutations finales, puis salue de nouveau. Donc là, le deuxième cas, c'est quoi ? Premier cas, c'est que pendant qu'il est en train de faire le rajout, il s'est rappelé qu'il a fait le rajout. Il revient à sa position où est-ce qu'il était. D'accord ? Il termine sa salate et fait 2 prosternations de distraction et refait le taslim. Deuxième cas, il en a pris conscience après qu'il ait fait l'ajout. Donc comment qu'il est fait ? On se rappelle, c'est un ajout qu'il a fait. Donc il termine sa salate, il fait 2 prosternations de distraction après le taslim et refait le taslim. D'accord ? Et le troisième cas, si elle ne se souvient de son ajout qu'après les salutations finales. Ça veut dire qu'une fois qu'il a terminé sa salette, il s'est rappelé qu'en fait, il a fait un ajout. Alors, dès qu'elle s'en souvient, elle effectue des prosternations de distraction et salue de nouveau. Dès qu'elle s'en souvient, d'accord ? C'est-à-dire que si, par exemple, tu as fini ta prière, tu es parti dans la salle, etc. Du coup, tu retournes, tu fais 2 prosternations et tu refais le taslim. Et tu refais le taslim, d'accord ? C'est-à-dire que tu as terminé complètement. Mais faut qu'on en souligne un point ici. Faut pas que le temps soit trop long. C'est pas par exemple, t'es rentré chez toi, d'accord ? Et puis le temps c'est... Et après, tu te dis, oh mais j'ai rajouté. D'accord, sinon tu recommences. Tu dois recommencer. Ouais. Si le temps il est trop long, tu recommences. D'accord ? Mais si par exemple, t'as terminé la salette et tu t'es rendu compte que... Yanni, t'as fait un ajout. Pour le moment, ces 3 points, ils sont clairs là ? Inch'Allah, d'accord. La troisième question, si la personne salue volontairement, alors, quels sont les différents cas de figure qui se présentent à la personne qui a salué avant l'accomplissement total de la prière ? Ça veut dire que, disons, il était en train de prier le Isha 4 rakat. Ça peut arriver, ce cas-là, il peut arriver très souvent. Souvent, lorsque tu étais en état de voyageur, je ne sais pas moi, tu pars dans une autre ville, tu fais l'intention que tu voyages. Donc tu raccourcis tes salates, d'accord ? Excepté le morlou. Et que tu étais sur le raccourcissement pendant, je ne sais pas moi, tu étais 3 jours, je ne sais pas moi, sur Paris, voilà, sur Lyon, voilà. Et tu reviens ici sur Caen. Et lorsque tu viens pour prier, je ne sais pas, tu es rentré le soir tard, donc tu n'as pas pu arriver à la salle du Richet. Tu viens pour prier chez toi le Richet, donc tu es chez toi. Normalement, il n'y a plus de raccourcissement. Et tu te mets à prier Au début, tu avais l'intention de prier 4, mais avec la fatigue, et ça peut arriver ça, subhanallah. Tu pries et tu te rends compte que tu as fait 2 rak'at et que tu fais le salam. D'accord ? Donc ça, c'est avant l'accomplissement total de la prière. D'accord ? Donc c'est ce cas-là dans cette question-là. Différents cas de figure qui se présentent à la personne qui a salué avant l'accomplissement total de la prière. Donc il dit le cheikh, rahimahullah, si la personne salue volontairement avant l'accomplissement total de la prière, alors cette prière est invalide. Si par contre, ça c'est volontairement, celui qui le fait volontairement. D'accord ? Volontairement. Si par contre la personne salue involontairement avant l'accomplissement total de la prière, alors il y a 2 cas de figure ici qui se présentent. Si elle s'en souvient après un court laps de temps, elle complète sa prière et effectue les 2 prosternations de distraction, puis salue à nouveau. Ça veut dire par exemple, il priait l'Aïcha, d'accord ? Là dans notre cas, là, il est rentré chez lui tard, il a prié 2 rak'at de l'Aïcha, et il a fait le taslim. D'accord ? Il a dit salam alaykum wa rahmatullah, salam alaykum wa rahmatullah. Et il s'est rendu compte qu'il n'a prié que 2 rak'at. Donc ça, c'est après avoir accompli la prière. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait ? Parce que c'est un court laps de temps. Il se relève, il complète la prière. Il complète les 2 rak'at, d'accord ? Et il fait, donc il termine la prière, il fait le taslim, et il fait les 2 prosternations. Donc elle complète sa prière et effectue les 2 prosternations de la distraction, puis salue de nouveau. Donc et il fait encore une fois le taslim. D'accord ? Il a prié 2 rak'at. Ouais. C'est terminé. Ouais. Il quitte le lieu de prière, il se dit « Ah, j'ai oublié 2 rak'at. » Il se remet sur le lieu de prière, il fait l'attention. Non, c'est-à-dire il se relève et il reprit. Mais s'il est déjà, il s'est déjà enlevé en fait. C'est-à-dire c'est déjà... En fait, il est complètement sorti de la prière. Voilà. Après tout, il a fait le taslim, il a pris son tapis, il l'a rangé, après il est parti. Ah d'accord, ben, c'est pour ça qu'il dit le shir, un court laps de temps. Donc après un court laps de temps, il ne faut pas non plus que ce soit trop long. Quoi. Faut pas que ce soit... c'est assez aléatoire dès qu'on dit un court laps de temps. Donc faut pas non plus que ce soit 10 minutes. Ouais, ce sera trop quoi. Un court laps de temps. Donc voilà. Faut pas que ce soit trop long quoi. Entre le temps que tu as terminé, le temps que tu es sorti et puis le temps que tu t'es rappelé, faut pas que ce soit trop long. D'accord ? Admettons, ça veut dire si on se rappelle 15 minutes après, autant la recommencer. Ben voilà, ouais. Ouais, là ça fait trop long. Là. D'accord. Alors que si on s'en rappelle directement dès qu'on a terminé, ben on la reprend. Mais voilà, tu complètes 2 rak'at, d'accord ? Et tu fais le teslim, tu fais 2 prosternations, d'accord ? C'est à quelle heure ici le maghrib là ? C'est à 17h30, il me semble. Tu l'as normalement les horaires. D'accord ? Ouais, vas-y. Hier, j'ai regardé un petit photographe sur la concentration dans la prière, justement. Non. Comment appuyer la concentration et le Khushu. Non. La crainte pieuse, la crainte est mise dans la prière. Mais ça aussi, ça vient, comme on disait la dernière fois. Ça aussi, ça vient avec... Dans une heure. Ça aussi, ça vient lorsque la personne sait parfaitement comment le prophète... comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, priait. C'est-à-dire que si tu appliques la sunna, donc, il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Dès qu'on prie et qu'on veut avoir ce khushu'a-là, hein, il faut déjà qu'on s'assure que... qu'on espère que... qu'Allah Azza wa Jal est satisfait de nous. J'imagine. C'est comme je dis à chaque fois. Donc si l'imam, il n'est pas sur la sunna, il ne suit pas la sunna, et il n'a rien en apparence de la sunna, et il est en train de réciter « Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wa attaqullah inna Allah shadidul iqab » Subhanallah, il ne suit pas la sunna, il ne l'applique pas, et parfois même il la combatte. Et il se met à réciter ce verset où Allah Azza wa Jalla dit, verset 7 de Sourate Al-Hashr, et ce que le messager vous a ordonné, prenez-le, et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en. Et craignez Allah, car Allah est dur en châtiment. Imagine. Ou il récite l'autre verset. وَأَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ. Et obéissez à Allah et obéissez au messager. Et subhanallah. Et là, il refuse d'appliquer la sourate. Ou bien il lit le verset dans Sourate An-Nur. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. Qu'ils prennent garde ceux qui désobéissent à son commandement, qu'une fitna risque de les toucher ou un châtiment douloureux. Imagine, il récite ça. Et il n'est même pas en application de la sunna. Donc déjà, hadha, il peut me dire tout ce qu'il veut, qu'il est en khushu', mais subhanallah, déjà tu ne crains pas Allah Azza wa Jal sur le fait de refuser sur le fait que tu refuses d'appliquer la sunna. On te conseille, tu dis ouais mais non, mais dans l'environnement quoi, subhanallah. Yani, donc déjà, lorsqu'on fait les efforts dans l'application de la sunna, de savoir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, priez comme vous m'avez vu prier, sallu kama ra'aytumuni usalli. Là, tu te donnes les moyens, par la permission d'Allah Azza wa Jal, d'avoir ce khushu'a-là. Déjà, tu es honnête sur le fait que tu fais tes efforts pour craindre Allah Azza wa Jal. Hein? Craindre Allah Azza wa Jal. Comment veux-tu, Yahi, que le Coran est récité pendant le mois de Ramadan, subhanallah, et qu'il n'y a pas une larme qui tombe? Ça, c'est dû à la dureté de nos cœurs, ça. La dureté de nos cœurs, subhanallah, est très souvent est due au péché que l'on commet. Qu'Allah nous guide, amis. Donc ce qu'il y a, c'est que, effectivement, donc, dès qu'il y a ce khushu'a-là, dès que quelqu'un se donne les causes dans cela, il peut avoir ce khushu'a-là, il peut avoir cette... Parce qu'il fait ses efforts, il sait qu'il a des manquements, il reconnaît qu'il a des péchés, il reconnaît qu'il a des manquements, et il invoque Allah Azza wa Jal de le pardonner, de le guider et de lui montrer la vérité comme étant la vérité qui la suive. Mais lorsqu'il ne reconnaît pas ça ou qu'il ne se remet pas en question, ça mène à la dureté du cœur. Il fait la salade parce que bon, c'est l'heure, et hop, on va prier, il se lève. Subhanallah. Il y avait un imam épris avec les gens, il ne savait plus combien de rakat il avait fait. Il questionnait celui-là, tu sais plus combien on a fait, l'autre ne savait pas. Il y en a un, il a dit, si je sais, parce que moi j'ai 4 boutiques et je comptais le nombre de boutiques fermées. Il y en avait 3, il n'en restait qu'une qui était ouverte. Donc c'est moins qu'une rakat. Subhanallah. Pour compter le nombre de rakat. Yani, la tête, elle était dans la dunya. Tu vois. Yani, ce qu'on dit, c'est que lorsque tu es dans la salette, tu dois t'efforcer toi à essayer d'avoir cette crainte pieuse. Comment tu peux t'efforcer? Notamment lorsque tu appliques les piliers de la salate. Tu sais que parmi les piliers de la salate, tu dois être paisible lors de ta station debout, tu dois rester un moment. C'est pas directement tu t'es relevé du loco et directement t'enchaînes. Tu dois rester un moment jusqu'à que tu as cette paisibilité là, tu es paisible. Dans ton recours, essaie de le faire long. Subhanallah, jusqu'à que c'est rapporté parmi certains sahaba qui disaient plus de 70 fois subhanallah al-azim en recours. Subhanallah. Yani, tu vois, lorsque tu es dans cet état-là, tu essaies de te faire des efforts pour avoir cet état-là. Lorsque tu te relèves, tu vois, de la première prosternation, que tu es entre les deux prosternations, donc tu as l'assise. C'est rapporté sur les pieux prédécesseurs qu'ils pouvaient, ou sur un des sahabis, c'est aussi un des pieux prédécesseurs, eh bien, qu'il restait entre les deux prosternations en position assise à un moment long, subhanallah, jusqu'à ce qu'il disait, est-ce qu'il avait oublié que yani, de repartir en subhanallah. Il restait très long. Parce que tu restes à faire le doigt. Yani, tout ça, barakallahu fikum. Yani, nous, on voit ça, c'est pour que, tu vois, dès que tu vois ces exemples-là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tout d'abord, les sahaba qui l'ont suivi, on les voit, ceux dont Allah Azza wa Jalla est satisfait d'eux, subhanallah. Tu vois comment qu'ils étaient dans leur salat, Yani, c'était rapporté, c'était par un. Sur un des salafs salah qui faisait des efforts, non, il était pas le salaf, qui faisait des efforts pendant 20 ans pour se lever à faire Qiyam al-Lil, les prières nocturnes. Pendant 20 ans, il s'efforçait. Il faisait du jihad contre son nefs. C'est pas facile, hein, tu sais. T'es KO, t'es fatigué. Subhanallah. Tu vois? Allah al-Musta'an. Il disait que pendant 20 ans, il s'efforçait à se lever pendant la nuit pour faire les prières nocturnes. Et ce n'est qu'après 20 ans qu'il a goûté à la saveur de Qiyam al-Lil. Tu vois? Yani, vous voyez la patience dans l'adoration? C'est pas quelque chose express vite fait. Tu vois, on veut quelque chose, tac, on appuie. Regardez rien que dans l'ilm là. Subhanallah. Ça fait le cours. Mashallah, ça fait 21 cours. Subhanallah. Je ne sais pas combien de cours on a passé sur le hadith 2. On n'en est qu'au deuxième pilier de l'islam. On a encore les trois autres piliers. On n'a même pas encore parlé des piliers de la foi. Subhanallah. On n'a pas encore parlé de l'ihsan. Subhanallah. On n'a pas encore terminé le hadith 2. Vous voyez comment que c'est long? Il y en a pour eux. Ça va être trop long. C'est parce que tu as besoin de comprendre certains points, tu vois. Certaines règles, certaines... T'en as d'autres. Oh, mais c'est trop long. Allez, donne-moi le résultat final, limite. Mais je veux bien, mais il y a un cheminement à comprendre pour arriver là. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour que tu comprennes ça, pourquoi c'est comme ça, tu dois comprendre en fait le cheminement, les règles dans ça, ça, ça, ça. Donc ça demande de la patience. Et ça, c'est un acte d'adoration. Donc tous les actes d'adoration écrits, ça demande de la patience. C'est pour ça que tu vois ce khushu'a-là, cette crainte-là, cette humilité-là, ça demande de la patience dans l'application de la sunna. Déjà pour avant l'application de la sunna, c'est déjà connaître la sunna. Connaître la bid'a. Parce que si tu ne connais pas c'est quoi la bid'a, eh bien tu ne connais pas la sunna. Parce que c'est on ne connaît une chose que lorsqu'on connaît ce qui l'oppose. C'est-à-dire que lorsque tu connais ce qui oppose cette chose-là, ça veut dire que tu connais cette chose-là. Mais si tu ne connais pas ce qui l'oppose, tu ne connaîtras pas. Et donc c'est pour ça que tu trouves qu'il y a des gens qui, par exemple, s'éduquent dans la sunna, mais ne savent pas ce qu'est la bid'a, et ne savent pas ce qu'est les différents types de bid'a, etc. Et ne savent pas qui sont les différentes sectes et tout cela. Donc, il peut tomber parfois avec tel groupe, telle secte, tel, sans s'en rendre compte. Alors que c'est quelqu'un qui aime la sunna. Il dit qu'il aime la sunna, mais il ne s'en rend pas compte. Une fois, il est dans, subhanallah, le ruisseau des tablir, le ruisseau des khawarij, le ruisseau des soufis, le ruisseau des murjia, le ruisseau, tu vois. Donc ça fait, parce qu'il ne connaît pas la sunna. Et il ne connaît pas la bid'a. D'accord. Donc Allah al-Musta'an. Et qu'Allah nous guide. Mais ça demande, bien sûr, avant tout, la science qu'Allah nous la facilite. Amin. Donc vous voyez, barakallahu fikum. La personne, elle a salué avant l'accomplissement total de la prière. La réponse du Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin, rahimahullah. Si la personne salue volontairement, donc volontairement avant l'accomplissement total de la prière, donc la prière est invalide. Mais si elle salue involontairement avant l'accomplissement total de la prière, il y a deux cas. Le premier cas, si elle s'en souvient après un court laps de temps, elle complète sa prière et effectue les deux prosternations de la distraction, puis salue de nouveau. Mais si elle ne s'en rend compte qu'après une longue période, elle doit alors refaire entièrement la prière. D'accord? Et c'est ce que... Tu vois ce qu'on disait tout à l'heure? L'appréciation de la durée est renvoyée au principe d'usage. En religion, c'est l'urf. D'accord? Et c'est quoi ça, l'usage, l'urf? C'est ce qui est établi de manière courante dans l'esprit des gens sans être rejeté par la raison saine. C'est pour ça que lorsqu'on parlait des impuretés, vous voyez, pour leur désablution, qu'est-ce qu'une impureté? C'est ce qui est dans le commun des gens quelque chose de mauvais. Les gens savent que ces choses-là sont sales. Donc, tu sais que ça, c'est mauvais. Notamment. Et bien là, pour le temps qu'il y a, eh bien, ce que les gens savent, ceux qui ont cette raison saine, Ils savent ce qu'est un court laps de temps, de ce qu'est un long laps de temps quand même. D'accord ? La question 4, pour le cas des retardataires, comment réagissent ceux qui se sont levés pour compléter leur prière et qui voient l'imam se lève pour corriger la sienne? Donc on est dans un cas là où est-ce que il y a quelqu'un, il arrive en retard, donc l'imam, il a fait le taslim, donc lui il s'est levé pour compléter sa prière. Cependant, il ne savait pas que l'imam allait... Il allait compléter sa prière lui-même. D'accord ? Donc on est dans un cas ici un peu spécial. Il dit il y a deux possibilités qui s'offrent à eux. Soit ils continuent sans se préoccuper de l'imam et terminent leur prière, puis effectuent les prosternations de la distraction et saluent de nouveau. D'accord ? Donc on a bien saisi le cas là ? Quelqu'un il est arrivé en retard ? Il rejoint le groupe. L'imam, il fait le teslim. Ça veut dire que pour celui qui arrive en retard, ça y est, là, c'est même pour les autres, la salat est terminée. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il vient pour compléter ce qui lui manque, parce qu'il arrive en retard. Cependant, il voit que l'imam lui-même se lève pour compléter peut-être un pilier, d'accord? Pour compléter ce qui lui manquait. Donc le premier cas, qu'est-ce qu'il fait? Il dit... Eh bien, donc, il y a deux possibilités. Soit celui qui s'est levé, qui arrive en retard, eh bien, il continue sans se préoccuper de l'imam. D'accord ? Et une fois qu'il a terminé la salette, il fait deux prosternations de distraction après les salutations finales et refait encore une fois le teslim. D'accord ? Quand est-ce qu'on fait du coup avant le teslim ? Eh bien, justement, on va arriver. Ah, d'accord. Ouais. Le deuxième cas... Soit ils suivent l'imam, terminent leur prière et effectuent les prosternations de la distraction. Et c'est l'avis le plus juste selon le Cheikh Mohammed ibn Salah al-Uthaymeen, car la base dans la prière en commun est le suivi de l'imam. D'accord ? Donc, on a compris. L'avis le plus juste, et Allah est le plus savant, c'est que si quelqu'un arrive en retard et que l'imam a fait le taslim, mais qui voit que lui, il allait se relever, il voit l'imam, il se relève pour compléter ce qu'il avait oublié. Eh bien, il suit l'imam. Il continue à suivre l'imam. Puis après, il complète sa salat. Et il fait le taslim. Et il fait deux prosternations de distraction. Et il refait le taslim. D'accord ? Par exemple, tu arrives en retard. Ouais. Tu constates que quelqu'un en train de prier. Tu ne sais pas si c'est sur l'obligatoire ou... Ouais. S'il arrive en retard, est-ce que tu peux t'ajouter avec lui ou pas ? Oui, tu peux t'ajouter avec lui. D'ailleurs, l'imam Al-Albani, rahimahullah, il avait mentionné un point qui était intéressant. C'était, il avait utilisé un athar de Abdallah ibn Mas'ud, d'accord ? Radiallahu anhu. Il était avec ses compagnons et ils étaient arrivés en retard à la prière en groupe. Ils ont vu que les gens, en fait, ils sortaient de la mosquée. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont rentrés chez eux et priés chez eux. Ils n'ont pas refait un autre groupe dans la mosquée. D'accord ? Et il avait dit, l'imam l'Albani, rahimallah, que ce n'était pas correct, on ne dit pas c'est interdit, il dit ce n'était pas correct, selon lui, de refaire un autre groupe indépendamment. C'est-à-dire, mais il considérait que ceux qui priaient derrière l'imam avaient reçu, d'accord, les 25 degrés en récompense. Donc, s'il voulait faire un groupe, il demandait à quelqu'un qui avait déjà prié de leur diriger la prière. Parce que lui peut donner en aumône la récompense qu'il a reçue derrière la prière de l'imam. D'accord ? Du coup, pour lui, ce ne sera pas une prière obligatoire ? Non, lui, il fait avec une intention de nafila. Et ceux qui sont derrière, c'est une intention d'obligation. D'accord ? Après, lorsque tu rentres, si tu te mets à côté de quelqu'un qui est en train de prier, d'accord ? Tu sais que lui, il a très certainement prié avec le groupe et qu'il est en train de faire une nafila. D'accord ? Tu peux te mettre à côté et tu dis « Allahu Akbar ». tu te mets à côté de lui. Si tu vois qu'il n'élève pas la voix lorsqu'il fait les takbir, c'est qu'il ne désire pas que tu pries avec lui en groupe. D'accord ? Donc tu t'écartes un peu et tu continues ta prière. Peut-être qu'il a pas compris. D'accord ? Mais il y en a aussi qui ne comprennent pas, tu vois. S'il est arrivé en retard ou s'il pensait que tu pouvais la prier ensemble. Ouais. J'étais perturbé, je savais pas quoi faire. Donc s'il y a, c'est que tu élèves la voix dans les takbir, tu vois, tu dis Allahu Akbar, Samia Allah, Liman Hamida. Si tu vois qui te suit, tant mieux. Si... Donc ça, la question 4 pour les retardataires, on avait dit donc il arrive en retard. L'imam a fait le taslim, il vient pour compléter sa prière, mais il voit que l'imam, lui, complète un oubli qu'il a eu. Donc le premier cas, soit il ne prend pas en considération ce que fait l'imam et lui, il continue. Le deuxième cas, qui serait le plus correct, et Allah le plus savant, c'est qu'il suit l'imam, puis ensuite il complète sa prière, fait les deux prosternations de distraction après le taslim, et refait le taslim, d'accord ? Donc, parce que la base dans la prière en commun, c'est le suivi de l'imam. Et on vise par retardataire celui qui joindrait l'imam dans la prière qu'il dirige après que ce dernier se soit relevé de l'inclinaison de la première raka. Ça, c'est un retardataire, d'accord ? On a compris ici ? C'est-à-dire que si l'imam il est dans la première raka, il vient de commencer la prière. Il a récité la Fatiha. Il a récité une surah. D'accord ? Et il se met en rukua, en inclinaison. On rentre, on les trouve en inclinaison. On fait takbirat al-ihram tout d'abord. On ne va pas directement comme ça. On fait takbirat al-ihram. Puis on se met, on dit Allahu Akbar. Une deuxième fois, ça c'est pour le takbir du mouvement en inclinaison. D'accord ? Et on se met en inclinaison. Donc là, on n'est pas considéré comme étant un retardataire. Parce que lorsqu'il aura terminé, on termine avec lui. Le retardataire, c'est celui qui a raté la première raka. C'est-à-dire qu'il s'est relevé de l'inclinaison. Si l'imam s'est relevé de l'inclinaison, il est rentré, il a trouvé qu'il s'est relevé de l'inclinaison. Donc il lui manque une raka à lui, au retardataire. Donc lui, il devient un retardataire. D'accord ? Naam. C'est à partir de une raka, c'est une inclinaison et deux prosternations. Donc si il a raté l'inclinaison, déjà l'inclinaison, hein, rien que l'inclinaison au départ, eh bien il doit recommencer une raka, c'est-à-dire la station debout, la station de Fatiha, l'inclinaison, se redresser et les deux prosternations. Ça c'est une raka, d'accord ? La diminution. Donc on avait vu l'ajout, là, lorsqu'il y a un ajout. Pour résumer, les deux prosternations de distraction, elles se font quand ? Pour un ajout ? Après le taslim. Et ensuite, on fait, une fois qu'on fait les deux prosternations, on ne refait pas de tashahhud, on fait directement le taslim. Pour la diminution, quels sont les piliers de la prière et quelles sont ses obligations ? Là, la question, c'est quels sont les piliers de la prière et c'est quoi les obligations ? Quelle est la différence entre un pilier et une obligation ? Ça, on l'avait déjà vu, hein. Donc il dit le Cheikh Mohammed bin Salah al-Uthaymeen rahimahullah, il dit les piliers de la prière sont au nombre de 13. Se tenir debout si possible, prononcer le premier takbir, réciter la sourate al-Fatiha, s'incliner, se redresser de l'inclinaison, se prosterner sur les 7 membres. Les 7 membres, on avait dit le front et le nez doivent toucher le sol. Toute salade dont le nez ne touche pas le sol, elle est invalide. D'accord ? Les deux mains, les deux genoux et les pointes des pieds, les bouts des pieds. Joints, d'accord ? Ouais, aussi, oui. Exactement. Exactement. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait dit « Pas de salette pour celui dont son nez ne touche pas le sol comme son front. » D'accord ? Donc, se redresser de l'inclinaison, se prosterner sur les 7 membres, se redresser après les deux, entre les deux prosternations, réciter le dernier tashahhud, être assis pour le prononcer, accomplir les deux salutations finales, faire preuve de quiétude dans chaque mouvement, ça veut dire avoir cette paisibilité-là, accomplir ses piliers dans l'ordre cité. D'accord ? Les obligations de la prière sont au nombre de 8. Prononcer tous les takbirs, en dehors du premier qui lui est un pilier. Dire Sami Allah liman hamida pour l'imam et celui qui prie seul. D'accord. Dire Rabbana wa lak alhamd pour tous les fidèles, c'est-à-dire que ce soit l'imam ou celui qui prie derrière l'imam ou celui qui prie seul. Dire Subhan Rabbil Azim lorsqu'on est en état d'inclinaison, lorsqu'on est en inclinaison. Dire Subhan Rabbil A'la lorsqu'on est en sujoud, en prosternation. Dire Rabbi Ghfirli entre les deux prosternations, c'est-à-dire lorsque tu es en position assise. On avait dit la sunna, lorsqu'on est entre les deux positions assises, c'est de pointer l'index en direction de la Qibla. D'accord ? D'accord ? Ça, donc, il y a, on avait vu, il y a 3 hadiths authentiques sur ça. Ce que je fais, moi, alors, c'est quand, parce que la première fois que je me prosterne, ouais. Je dis Subhanallah Rabbil A'la. Ouais. Je me relève. En position assise, non ? En position assise. Ouais. Et après, je dis Subhanallah Rabbil A'la. C'est deux fois trois qu'il faut dire. Lorsque tu es en position assise. Non, quand je suis en position assise et après je reviens en sajda. En sajda, tu dis Subhan Rabb. Non, tu dis Subhan Rabbil A'la. Ok. Subhan Rabbil A'la. Ouais, à la base ça. Et entre les deux, tu vois, en position assise, donc tu pointes l'index, mais tu dois dire Rabbi Ghfirli. Ça fait partie des obligations, celle de la prière. Donc tu le dis 3 fois Rabbi Ghfirli. D'accord ? Tu dis Rabbi Ghfirli, Rabbi Ghfirli. Enfin, minimum 3 fois. C'est... Pourquoi ils te disent 3 fois, en fait ? C'est pour avoir un temps, tu vois, de quiétude. Ça diffère si tu le dis une fois, Rabbi Ghfirli, et tu redis temps, ou bien Subhan Rabbil A'la. Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la. Et en sujoud, en prosternation, tu invoques Allah Azza wa Jal. Si tu ne maîtrises pas la langue arabe, tu le dis avec la langue que tu maîtrises. Tu fais des invocations avec la langue que tu maîtrises. C'est la seule fois qui t'est permis de prononcer autre que l'arabe durant la salate. D'accord ? Pendant les invocations. Non, mais c'est pour ça, Wahdi. Subhan Rabbil A'la. Ça, c'est Subhan Rabbil A'la pendant le sujoud, Subhan Rabbil Azim pendant l'inclinaison. D'accord ? Dire Rabbi Ghfirli entre les deux prosternations, réciter le premier tashahud, être assis pour le prononcer. Le pilier ainsi que l'obligation fait partie intégrante de la prière, à la différence que l'oubli d'un pilier ne peut être réparé par le simple fait d'effectuer les prosternations de la distraction. D'accord ? Si tu oublies un pilier, c'est pas par exemple tu dis je vais faire les deux prosternations de distraction. Non. En effet, le prieur doit obligatoirement s'être au final présenté avec ce pilier pour que sa prière soit valide. L'obligation quant à elle, lorsque le prieur l'a oubliée, il ne lui incombe pas de se présenter avec. Il lui suffira de corriger cet oubli par deux prosternations de distraction. D'accord ? C'est clair ça pour moi ? Question 6. Si une personne délaisse un pilier dans la prière, quels sont les différents cas qui peuvent se présenter à elle ? La réponse du Shir, le premier cas concerne le délaissement du premier takbir qui annule la prière. Tu as oublié le premier takbir. Donc ça, c'est une réfutation à la secte des Ibadiyya. La secte des Ibadiyya. Il y en a beaucoup dans le sud de la Tunisie, subhanallah. On les reconnaît en fait parce qu'ils font des minarets pas très hauts en fait. D'accord ? Ce sont les Ibadiyya ceux-là. Et souvent, ce sont des gens de la masse qui suivent par tradition. Alors que dans leur croyance, en fait, ce sont des Khawarij, les Ibadiyya. Donc ils font le takfir de celui qui commet un péché majeur. Le takfir de celui qui commet un péché majeur. Et ils considèrent que celui qui commet un péché majeur est en enfer pour l'éternité. Donc ça c'est... Donc à Abu Dhabi. Le péché majeur seulement ou bien le péché majeur et... Péché majeur. Péché majeur. Ils considèrent par exemple celui qui, si quelqu'un consomme de l'alcool... C'est un musulman. Dès que j'ai un musulman, ça veut dire que c'est quelqu'un qui fait ses 5 prières, d'accord ? Et qui n'associe pas à Allah, quoi que ce soit. Donc, il considère que celui qui consomme de l'alcool, eh bien, il est tombé dans le kufr. D'accord ? Parce que c'est pour leur incompréhension du hadith, c'est pour leur incompréhension du hadith que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné que yani, il n'est pas croyant, celui qui est croyant, il n'est pas croyant tant qu'il fornique ou bien il consomme l'alcool. D'accord, voilà. Eh bien, eux, ils considèrent que ça y est, elle est sortie, c'est terminé. D'accord. Mais ça, c'est faux, ça. Hein. Cette croyance-là, elle est fausse. Faire le takfir sur les péchés majeurs, c'est faux. On fait le takfir de qui ? De celui qui a reçu les preuves, qui délaisse les prières. Celui qui délaisse les prières, c'est un kafir. Il n'y a pas de doute sur cela, d'accord ? Parce qu'il ne prie pas. Donc si il y en a, ils se convertissent pour se marier avec, je ne sais pas moi, une musulmane, parce que la musulmane lui a dit il faut que tu te convertisses pour qu'on puisse se marier. Et il se convertit et puis il ne fait pas ses prières, l'acte de mariage devient invalide. D'accord ? Ça veut dire qu'il doit se repentir, refaire les deux attestations de foi et faire ses prières pour, et refaire le contrat de mariage. Ou bien celui qui invoque autre qu'Allah. D'accord ? Ou celui qui tombe dans le shirk majeur avec toutes ces catégories comme on l'avait expliqué dans le détail. D'accord ? Lofé, attendez, je crois que j'ai une question ici. On va voir. Je ne peux pas dire subhanallah. Anas Rachel, Diasmar Kenkouf. Moi, je suis arrivé à le décrire. Donc, tandis que eux, qu'est-ce qu'ils font ? Les Khawarij, ils font le takfir de celui qui tombe dans un péché majeur. Peu importe si c'est un ignorant ou bien si la preuve lui a été établie, subhanallah. Si tu sais qu'Allah Azza wa Jal mentionne clairement qu'il n'a pas châtié un peuple, excepté après leur avoir envoyé un messager pour qu'il leur clarifie. Donc il faut clarifier aux gens. Tu ne peux pas, par exemple, faire le takfir direct sur quelqu'un sans lui avoir clarifié la chose. D'accord ? Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimallah, on se souvient ce qu'il disait lorsqu'il parlait aux Jahmiyyah. Vous savez que les Jahmiyyah, ce sont ceux qui viennent avec la parole que le Coran est créé. Celui qui croyait, ça c'est un kafir. Parce que le Coran, c'est la parole d'Allah incréée. Parce que le Coran, ça fait partie du tawhid, l'asma wa sifat, des noms et attributs. C'est un attribut d'Allah Azza wa Jal. D'accord ? Donc dire que c'est créé, c'est dire que l'attribut d'Allah est créé. A'oudhu billah. Donc, malgré que ce sont des kuffars, les Jahmiyyah, que la prière d'un Jahmiyyah est invalide, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahmallah, il leur a dit: si j'étais à votre place, je me considérerais comme étant un mécréant. D'accord ? Mais vous êtes des ignorants. Vous voyez ? Donc il leur a dit qu'ils sont des ignorants. C'est pour ça que on voit les savants qui insistent, les savants de la Sunna qui insistent sur le fait de clarifier aux gens. D'accord ? Un suiveur, quelqu'un qui suit par exemple. Peut-être que celui-là qui suit comme ça et que tu lui fais un rappel, il va accepter. Les têtes, ce sont ceux que tu leur fais le rappel, ils te combattent, ils combattent la Sunna. Et ils font tous les moyens pour essayer de te... Ouais, c'est ça. Ils te détestent. Subhanallah. Ils te détestent pour leur bid'ah, t'imagines. Et c'est ce qui nous diffère de ces gérants d'innovation-là. Nous, on les déteste en Allah. Alors qu'eux, ils nous détestent pour leur bid'ah. Parce qu'on n'est pas en conformité avec leur innovation. D'accord ? Al-Muhem. Donc si une personne délaisse une obligation, ouais, on est dans la diminution, dans la prière, les différents cas, si elle s'en rend compte avant de quitter la position de l'obligation, alors elle accomplit son obligation. Par exemple, on peut parler du tasharud, d'accord ? Elle oublie de faire le tasharud, le premier tasharud, et elle se lève. Si elle s'est levée, elle s'en est rappelée pendant qu'elle est en position debout, elle continue sa prière normalement sans revenir à sa position assise, elle continue sa prière et elle fait deux prosternations avant les salutations finales. D'accord ? Puis, elle fait les salutations. C'est-à-dire qu'elle termine le tasharud, d'accord ? On est d'accord ? Pour qu'on comprenne bien. Ça, c'est pour quelqu'un qui en est... il a fait deux rak'a. Normalement, là, il doit faire le tasharud. Cependant, il s'est relevé de son soujoud et il a oublié de rester en position assise pour faire le premier tasharud. Mais qu'est-ce qu'il fait ? C'est qu'il se relève. Et dès qu'il s'est relevé, il s'est rappelé qu'il a oublié de faire le tasharud. Donc là, qu'est-ce qu'il fait ? Il continue sa salette normalement. Une fois qu'il a continué sa salette, donc il en est là au dernier tasharud. Il fait son dernier tasharud. Donc là, il a terminé, il a fait le troisième, il a fait le quatrième, d'accord ? Pour le cas, par exemple, du Dhuhr ou du Asr ou du Isha. Donc il en est au dernier. Et il s'est rappelé, lorsqu'il était debout, qu'il avait oublié ça, d'accord ? Il fait son dernier tashahud, d'accord ? Il fait Salat al-Abrahimiyya, d'accord ? Lorsqu'il a tout terminé son tashahud, avant de faire le taslim, il fait deux prosternations de distraction, d'accord ? Les deux, là, il en fait deux. C'est pour l'oubli qu'il a eu de l'obligation. D'accord ? Puis une fois qu'il les a fait, il fait le taslim. D'accord ? Il fait le taslim. C'est bon, ça ? Dans le cas où est-ce que il venait pour se relever, mais il s'est rappelé qu'il il faut qu'il fasse le tashahud. Eh bien donc, il reste assis et il fait le tashahud. Et il n'a rien à rajouter, là. Mais comment ? Il vient pour... Et à ce moment-là, il ne sait pas le relever, d'accord ? Ah non, je tiens. Il vient pour... il s'est rappelé qu'il y a le tashahud. Donc, il reste en position assise, il complète, d'accord ? Et il n'a pas effectué de prosternation, de distraction, d'accord ? Si... Donc, il mentionne, si elle se rend compte, après avoir quitté la position de l'obligation, mais avant d'atteindre le pilier suivant, elle revient, accomplit son obligation, termine sa prière... Puis elle effectue les deux prosternations de la distraction après les salutations finales et salue de nouveau. Il y a trois cas. Il y a le cas où est-ce qu'il il se lève donc de la prosternation, il oublie de faire ça. Et il se lève complètement de prier. Et il se rend compte qu'il a oublié de faire le tashahud. Il continue sa salat normalement jusqu'à la fin, d'accord. Il fait le dernier tashahud final. Et avant de faire le taslim, il fait deux prosternations de distraction. D'accord ? Et ensuite, il fait le taslim. Deuxième cas, c'est que il vient pour se relever, pour aller au pilier suivant. D'accord ? Donc, il vient pour se relever, mais il ne s'est pas encore relevé. Il est tout le temps en position assise, d'accord ? Il vient pour se relever, il se rappelle qu'il y a le tashahud. Donc, il reste en position assise et il continue son tashahud et il n'a rien à rajouter. D'accord ? Le troisième cas, c'est que il donc se lève de la prosternation et il commence à se relever. Donc là, il a commencé à se relever. Mais il n'a pas encore atteint le pilier suivant. Il se rappelle qu'il a oublié. Donc il revient en position assise là. D'accord ? Il revient en position assise. Ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps, ça. Et je l'ai fait instinctivement. Alhamdoulilah. Il complète... Donc, il fait le tashahud qu'il allait manquer, là, parce qu'on parle de l'obligation ici. Il complète, donc il termine sa salat suite normalement. Puis, il fait les deux salutations finales et il fait deux prosternations après le taslim, là. D'accord ? Et il refait deux salutations finales. D'accord ? D'accord, Inch'Allah. Ouais. Si elle s'en rend compte après avoir quitté la position de l'obligation, mais avant d'atteindre le pilier suivant, elle revient, accomplit son obligation, termine sa prière, puis elle effectue les deux prosternations de distraction après les salutations finales et salue de nouveau. Là, maintenant, le doute. On va terminer avec ça. D'accord ? On va essayer de terminer quand même avant qu'il revienne. Là. Pour éviter... Question 8, quelle est la définition du doute ? Dans quel cas le doute n'est-il pas pris en compte dans la religion ? Donc la réponse du Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymeen, rahimallah, le doute c'est l'hésitation entre deux situations sans pouvoir déterminer laquelle s'est produite. Il s'oppose à la certitude. D'accord ? Donc le doute n'est pas pris en considération dans la religion dans trois cas. Lorsqu'il est furtif, c'est-à-dire c'est un doute vraiment... Rapide quoi, furtif, passiveté. Semblable à une fausse impression. D'accord ? Premier cas. Dans ce cas-là, il n'est pas pris en compte. C'est une fausse impression qu'on a eue, on ne prend pas en compte. Lorsque la personne doute tout le temps, au point que cela en devienne quasi maladif. Ça devient limite une maladie quoi. Tout le temps il doute. Sur ce qu'il fait, sur le goût, sur le... Cheikh Abdallah al-Bukhari, Abdallah, il disait qu'il y en avait un, c'était un converti, il était... Là-bas, je crois que c'était Allahu ala Médine ou à la Mecque. Il venait bien avant que la prière en groupe commençait, bien avant l'adhan. Rahmakallah. Il venait bien avant. Mais il ne terminait les ablutions, il venait tout mouiller son kamis, c'est ça, qu'après que tout le monde ait fini la salat et sorti. Il venait avant qu'il y ait l'adhan même. Hein? Il faisait ses ablutions. Et il ne sortait des ablutions qu'après que les gens ont terminé leur salat et rentré chez eux. Il venait tout mouillé, leur kamis. Il avait tout le temps du waswas, du doute. Ah, j'ai peut-être oublié ça. Ah, ça. Oh, j'ai l'impression que j'ai un gaz. Oh, j'ai... Et il reste comme ça pendant. Subhanallah. Et il y en a, ils commençaient à faire le wudu. Ils vont aller et ils commencent à faire la salat. Prison. Et ils repartent à faire le wudu. Il y en a qui ont arrêté la salat à cause de ça. Ils font, ils recommencent, ils font. Et c'est les fatigues en fait. Tu vois? Donc ça c'est Audubele. Non, ma fille. Qui ça marche? Ça hait que c'est ça. Donc, lorsqu'il est furtif, semblable à une fausse impression, lorsque la personne doute tout le temps au point que cela en devienne quasi maladif, et lorsque le doute survient après l'adoration, tant qu'il n'y a pas de certitude. Dans ces trois cas-là, on ne prend pas en considération le doute. D'accord ? Question 9. Quels sont les différents cas de figure envisageables entrant dans le cadre du doute pris en compte ? Comment réagir dans chacun de ces cas ? Donc il dit le cheikh, rahimallah, soit la personne arrive à faire prévaloir une éventualité sur une autre. Soit la personne doute sans pouvoir faire prévaloir une situation sur une autre. Donc soit il arrive en fait à faire prévaloir, c'est-à-dire que il pense que non, je pense que c'est plutôt ça. Il arrive à faire prévaloir une situation comparée à une autre. Ou soit il n'arrive pas en fait à dire que je pense que c'est ça plutôt que ça. Il n'arrive pas à faire le distinguo entre eux. Donc, dans le premier cas, donc lorsqu'il pense qu'il fait prévaloir une situation à une autre, il sait que, non, je pense que c'est plutôt ça, d'accord ? Dans ce premier cas-là, elle se base sur ce qui lui paraît le plus juste. Termine sa prière et effectue les prosternations de la distraction après les salutations finales. Dans le second cas, dans le cas où est-ce qu'il ne sait pas distinguer entre est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est ça, elle se base sur la certitude. C'est quoi la certitude? Correspondant au minimum, comme on disait tout à l'heure. Il termine sa prière, c'est-à-dire qu'il ne sait plus est-ce qu'il en a fait deux ou trois. Là, il a le doute total. Eh bien, il se base sur le moindre. D'accord? Il termine sa prière. Et il fait les prosternations de distraction avant les salutations finales. D'accord ? Question 10. Pour le retardataire qui arrive lorsque l'imam est en position d'inclinaison, prononce correctement le premier takbir en position debout, s'incline ensuite, mais doute sur le fait d'avoir rejoint l'imam avant qu'il ne se relève. D'accord ? Donc là, il ne sait plus est-ce que... L'imam s'est relevé avant, ou est-ce qu'il a eu le temps, ou... D'accord ? Il y a des situations comme ça. Si une situation prévaut sur l'autre, la personne termine sa prière en conséquence et fait les prosternations de la distraction après les salutations finales. Si aucune situation ne prévaut dans l'esprit de la personne, elle se base sur la certitude, c'est-à-dire qu'elle n'a pas rejoint l'imam à temps, termine sa prière et effectue les prosternations de la distraction avant les salutations finales. Donc on distingue bien le doute. Hein. Ce n'est pas toujours avant, d'accord ? Il y a certains cas, c'est après, il y a certains cas, c'est avant. Dans ce cas-là, dans le dernier cas, c'est avant, lorsque elle n'est pas sûre qu'est-ce qu'elle a rejoint le recours. Donc elle va avec la certitude, quoi ? C'est que je ne l'ai pas rejoint. Elle termine sa prière et elle fait... les prosternations de distraction avant, les salutations finales. Mais si elle pense qu'elle l'a rejoint, d'accord, elle pense, elle n'est pas sûre, elle a le doute, est-ce qu'elle l'a rejoint ou pas. C'est pas par exemple, elle a la certitude, non, je l'ai rejoint. Là, il n'y a plus de question qui se pose. Là, elle a un doute. Mais elle pense qu'elle l'aurait plutôt rejoint. Elle a toujours ce doute-là, si elle n'est pas sûre d'elle, eh bien, elle termine sa prière en conséquence, fait les prosternations de distraction après les salutations finales. D'accord ? Vas-y, ouais, limite sur le bar. Quel est l'avis le plus juste concernant la manière d'agir d'une personne qui doute, puis agit en conséquence et se rend compte avant la fin de sa prière avec certitude qu'elle n'a au final rien diminué ni ajouté? Bien, le Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah fait prévaloir l'avis selon laquelle la personne en question effectue quand même les deux prosternations de la distraction après les salutations finales du fait qu'elle aura effectué une partie de sa prière en doutant et que ces prosternations de la distraction seront une humiliation pour le diable. D'accord ? Est-ce qu'on a compris là ? Ça veut dire que là, ce qu'il y a, c'est que... C'est qu'il y a une personne qui doutait. Elle doutait. Et après, qu'est-ce qu'elle s'est mise à faire ? Elle s'est mise à agir en conséquence de ce doute-là. Donc, elle pensait que, par exemple, il lui manquait un truc, elle s'est mise. Et après avoir terminé, en fait, avant la fin de sa prière, elle est sûre d'elle qu'en fait, elle n'avait rien ajouté et rien diminué. D'accord ? Donc, il dit, eh bien, dans tous les cas, puisqu'elle a douté, elle fait les prosternations de distraction après les salutations finales. Et ça, ce sera une humiliation pour le diable. D'accord ? Comme ça, au moins, il aura sa lettre complète. D'accord ? Et le diable... Non, après les salutations finales. Il a douté, après... Il a agi en conséquence de ce doute-là, mais il s'est rendu compte avant la salette que, ben non, en fait, il s'était pas trompé. Il fait les prosternations de distraction après les salutations finales, et après, il refait les salutations. D'accord ? Donc, on va s'arrêter là, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Et puis, on verra la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc, soit ce sera sur le direct, je vous tiendrai au courant, de toute façon, Inch'Allah. Avant, bi'idhnillah. Donc, سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك